Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et cette semaine c'est Bulle de Rêve, une émission consacrée au cinéma d'animation. Alors, émission spéciale 15e Festival National du film d'animation à Auch, à venir du 6 au 10 avril. Donc j'ai 1, 2, 3 invités aujourd'hui. Lionel Charpie, président de l'AFCA. Bonjour Lionel. Bonsoir. Sébastien Ronceret de Braquage. Bonsoir. Et la retardataire, Michael Bach, qui ne saurait tarder, délégué général de l'AFCA. Donc, je salue Alexis Huneau, bonjour. Fidèle au poste, Serge Kornmann, bonjour. Qui nous vient de son Alsace. Non, c'est pas mon Alsace, non. Moi je suis un international. Alors, Serge Kornmann, international, ça commence bien. Et Annabelle Sebag, bonjour. À qui je vais donner la parole tout de suite, parce qu'elle reste 5 minutes, elle a des choses très importantes à faire, elle va danser après, donc... Alors on écoute Annabelle qui nous donne les nouvelles de l'animation. Alors il y a plein de choses ce mois-ci, notamment au Forum des Images. Il y a le rendez-vous qui est proposé par l'agence du court-métrage, donc au Forum le 30 mars à 20h. Donc ça c'est plein de courts-métrages, dont 3 très bons courts-métrages d'animation. La Funambule de Roberto Catani, Le chat avec des mains de Robert Morgan et Le ministre félicité de Meral et Chemal Erez. Voilà, donc ça c'est le 30 mars à 20h. La carte blanche ce mois-ci sera donnée au très grand Norman McLaren, dont vous allez reparler tout à l'heure, je pense, avec à 19h son magique discours de bienvenue, où il se met en scène lui-même face à un micro pas très commode. Et puis aussi, entre autres, Study 7 d'Oscar Fischinger, Colorbox de Len Lai, Drame chez les fantoches d'Emile Cole, et puis à 21h, un panorama de ses films. Donc ça, c'est le jeudi 14 avril, à partir de 19h, toujours au Forum des Images. Vous pouvez avoir le programme détaillé sur leur site www.forumdesimages.net. Il y a aussi les après-midi des enfants avec le programme de court-métrage Trois petits chats qui proposera entre autres Trois petits chats de Guy Delisle, Alice de Nicolas Bélanger, Arthur de Guillaume Leroy et plein d'autres. Ça c'est le 9 avril à 15h. Il y aura aussi Robinson et compagnie de Jacques Colombat le mercredi 13 à 15h. Lionel qui fait des grands signes. Voilà. Et puis, Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis le samedi 16 avril à 15h. Le Forum des Images accueille également la 7e édition du Festival Nemo du 5 au 10 avril, donc pile poil en même temps qu'Auch, hein. c'est un peu dommage. Donc c'est un festival non compétitif qui est consacré à toutes les formes d'images expérimentales. Donc prévu en animation pour avoir la version longue de Barcode d'Adrienne Lockman. Un gros plan. Pourquoi tout le monde rigole? Combien dure la version longue? Croyons avoir vu la version longue, mais il y en a une. C'est encore plus long. Chic alors. Il y a aussi un gros plan sur les studios AK, sur Métronomique, une masterclass à Lionel Courreau. Avec Lionel Courreau, et puis plein d'autres bonnes choses autour de l'animation. Et tout le programme est disponible sur le site www.arcadie.fr. Donc Arcadie, c'est A-R-C-A-D-I. Ça, c'est pour les malheureux qui n'ont pas la chance de venir à Auch. Exactement. Côté sortie, ciné, il y a pas mal de choses. Le 30 mars sort Vaillant, de Gary Chapman. Donc c'est une histoire de pigeon voyageur en images de synthèse, produit en fait par les créateurs de Shrek. Moi je ne l'ai pas vu, peut-être oui. Certains l'ont vu. Oui, Alexis qui a tout vu, comme d'habitude. Qui a rien à voir avec Shrek. Ouais. C'est vraiment une pure... Non mais c'est juste histoire de replacer un peu. C'est pas inintéressant, c'est vraiment plus pour les petits, mais ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quelques moments un petit peu durs, et puis il y a les résistants français qui sont assez drôles, de petites souris. Voilà. Et puis le 6 avril sortent 3 longs métrages. La Nounou 3 de Gary Bardine, que moi j'ai vu et qui est bon. Pas sympa. Sympa. Que sympathique. La musique est chouette en tout cas. Il y a aussi Carmen, Robots, Robots ou Robots de Chris Wedge. Et Léo, roi de la jungle du japonais Yoshio Takeshi. On peut juste dire. Et Winnie l'ourson et les félins. On peut juste. Les félins. Qui peut être. n'est pas aussi inintéressant. Non, après, on va croire que je fais des boycotts. Non, on signale. Est-ce que vous ne devez pas sortir Les Aventures de Lolo, quelque chose comme oui, ça. Lolo le pingouin. Alors, je ne sais plus quelle est la date. Mais... oui, c'était supposé le 13 avril. Voilà, alors Lolo le pingouin, je suis probablement le seul à avoir vu ça. Oui, pingouin. Oui, oui. Donc, c'est une réalisation russo-japonaise, c'est oui. Une curiosité. C'est étrange. Je me rappelle du nom du réalisateur russe, Vladimir Pokonnikov, mais le nom du réalisateur japonais, je ne me rappelle pas. C'est très mignon, c'est pour les. Pour les petits Kenjiro enfants. Yoshida. Ah, merci Serge. Ça ne prononce peut-être pas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas nommé Sokolsky qui est Gennady Gennady Sokolsky. Qui était responsable, ouais. Oui. Et c'est un très joli film pour les petits. C'est mignon tout plein. C'est vraiment pour les petits. Hein. Juste pour dire un mot après ça de Robot Car, qui est à l'inverse, qui est la grosse production de ce qu'avait fait L'Âge de Glace. Vous entendez plein de choses. C'est mon petit coup de gueule. Vous entendez plein de choses. C'est un film très drôle. Qui est vraiment très réussi, ces films américains typiques, les bons dialogues, l'animation est bien, etc. Mais il y a un problème maintenant chez les critiques, c'est que tout le monde a vu Robots, tout le monde maintenant est... Les Indestructibles, tout le monde est accaparé par Pixar en se disant, ça y est, des films... Donc, je pense que beaucoup de critiques ne vont pas aimer Robots en disant, mais c'est pas assez intelligent, c'est pas assez à double degré, c'est de la 3D, c'est pas assez à plusieurs visions, etc. C'est juste un film drôle. En plus, la version anglaise est faite par Robin Williams, qui s'en donne à cœur joie, enfin c'est juste drôle, donc faites pas attention, allez le voir, parce qu'on peut, l'animation c'est bien, ça fait réfléchir, nous on le sait depuis des années, les critiques plus traditionnelles commencent à le comprendre, c'est bien pour eux, mais l'animation ça peut être aussi drôle, et ça peut être juste divertissant, c'est bien aussi, et Robots c'est ça. Mes services de renseignement m'annoncent aussi, c'est peut-être erroné, que Hair High de Bill Clinton. C'était pour la prochaine émission. Oh. Elle a lieu avant le 20 avril. C'est le 20 avril, oui. C'est le 20 avril même. Ah, eh bien, nous le savons à l'avance. Voilà. Bill Clinton, ouais. 1h17. Donc, c'est un long métrage, contrairement à la Nounou 3 qui est plus court. Plus court, oui. Suffisamment. Allez, rendons la parole à Annabelle. Oui. Nous ne voulons pas couper cette demoiselle, sinon écœurée, elle n'en reviendra plus. Côté sortie DVD, là, on va être super gâtés. Ce mois-ci, on pourra rester tranquillement dans son canapé. Il y aura plein de choses à voir. Le 5 avril sort Millennium Actress de Kon Satoshi. Ça, c'est sublime, moi, je crois qu'on peut incroyable. Le dire. Incroyable. Ouais. Le 6 avril, Steam Boy d'Otomo Katsuhiro. En trois éditions, en fait, d'un coup. La simple, la double et la collector. Voilà, donc vous aurez le choix. Et puis, il y aura aussi Alice au Pays des Merveilles en édition collector. Donc ça veut dire qu'il y aura un documentaire sur les coulisses du film, plus un court-métrage à travers le miroir. Donc ça vaut le coup. C'est une édition remasterisée, parce que l'image est très très belle. Voilà, et puis toujours le 6 avril, il y a aussi Oseam. Alors je suis incapable de prononcer le nom du réalisateur. Sung Baek Yib, quelque chose comme ça. Et enfin, la Nounou 1 et la Nounou 2 de Gary Bardeen. Voilà. Avec un making-of, je suis désolé, mais avec un making-of très intéressant, très drôle, parce qu'à l'inverse des making-of américains, où le making-of commence, on voit Gary Bardeen seul, dans une espèce de hangar plus ou moins désaffecté, c'est là où on a fait la Nounou. Et il explique petit à petit et tous les rapports avec ce collaborateur. Et au moins, alors moi j'aime beaucoup la Nounou 1, un peu moins la Nounou 2, mais pour ce making-of, on va dire, qui est sur ce DVD, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Voilà. Donc on aura le temps de passer, enfin, de rester sur son canapé tranquille. Je voulais vous dire aussi de vous dépêcher pour, si vous voulez prendre vos accréditations pour Annecy, parce qu'à partir du 31 mars, ce sera plus cher. Donc vous pouvez prendre vos accréditations sur le site, je ne sais plus si c'est SICA ou Annecy, c'est www.annecy.org. Voilà, .org. Et puis aussi, peut-être vous en reparlerez tout à l'heure, mais au Festival d'Auch est organisé un petit peu en amont du festival un stage d'initiation. Il reste encore des places. Donc voilà, précipitez-vous. Et puis je voulais simplement remercier... notamment le site The Web Anime qui me donne plein d'infos pour faire toutes les brèves. Donc voilà, merci et au mois prochain. Voilà, The Web Anime alias Alexis Mino. Merci, mais promis, j'y suis pour rien. Voilà. Annabelle nous quitte. Oui, au mois prochain. Au revoir Annabelle, elle va danser, très bien. Alors, cette émission va peut-être tourner un peu à l'autopromotion, c'est vrai, puisque... Peut-être certains d'entre vous le savent, je suis un salarié de l'AFCA, mais heureusement, je compte sur Alexis pour jouer au poule à gratter et pour poser des questions pernicieuses à Lionel Charpie ou à Michael Bach. Si jamais. j'avais su, j'aurais pas venu. Alors, Lionel Sharpie, est président de l'AFCA depuis déjà un certain temps, on va dire. Murmure certain. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu les circonstances de la création de ce Festival national du film d'animation, qui n'a pas toujours été à Auch, et non. Pourquoi on a créé ce festival? Bien, on va se replacer dans le début des années 80, c'est-à-dire que Raymond Maillet, qui était le délégué général de l'AFCA, et donc créateur de l'AFCA, et en même temps celui qui avait dirigé et amené le festival d'Annecy en tant que directeur du festival d'Annecy, disons une certaine notoriété, a été remercié par le même festival, et il a quitté le festival d'Annecy en 1981, et il avait envie donc de, non pas de faire une équivalence à Annecy, mais tout simplement de créer un festival qui soit le festival de la production d'animation française. Alors, au départ, ça devait être un festival qui aurait trouvé un asile à Marseille. Nous devions même être hébergés par la Criée, le théâtre de la Criée. Et puis les choses n'en ont pas été ainsi parce qu'il y a eu quelques problèmes. Alors, c'est ainsi qu'est né donc le premier festival national du film d'animation en 1983, dans un lieu assez particulier qui est l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, qui était rattaché donc au ministère Jeunesse et Sport. Et nous étions en 83. C'était un festival qui est né avec très très peu de moyens, qui était très intime et qui a tout simplement, avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bénévolat et d'investissement de chacun d'entre nous, essayé tout simplement de s'implanter et de montrer ce que l'on aurait pu appeler une vitrine exhaustive de la production française. Il faut dire que dans les années 80, la production française, elle était relativement limitée, si on la compare à maintenant. Mais ce festival, donc, est né avec beaucoup de bonne volonté, d'enthousiasme. Et peut-être le seul petit problème, c'est que comme il était organisé à Marly-le-Roi, donc dans cette INJEP de Marly-le-Roi, qui est un lieu superbe, mais c'est une ville dans la ville, c'est-à-dire que c'est un lieu un peu clos. Et nous n'avions pas trop accès à la... disons, ce qu'on appelle les marlichois. C'est-à-dire donc le public, c'est-à-dire que ce festival s'adressait évidemment à un public en priorité, et aux professionnels aussi, et ce public n'est jamais véritablement venu. Donc c'est devenu un festival de professionnels pour les professionnels, ce qui était un petit peu peut-être dommageable. Et le festival a été annuel jusqu'en 87, toujours dans le même lieu, toujours avec des moyens très, très restreints, très, très modestes, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, devant aussi la situation de la production de films d'animation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de quoi faire un événement, on s'est dit, il faut peut-être mieux que l'on lâche le rythme annuel pour devenir une biennale. Et c'est depuis cette époque-là, si vous voulez, que le festival est devenu une biennale. Et nous étions donc un petit peu plus tard, quand nous avons pris la décision, peut-être de quitter le lieu. Qui était la dernière édition en 96. Voilà. La dernière fois, c'était en 96. Voilà. Et nous avons décidé de quitter la couronne parisienne. Et tant qu'à faire, plutôt que d'ajouter un festival de plus dans l'univers parisien ou de la région parisienne, on s'est dit, jouons le jeu, partons, véritablement. Et c'était, puisqu'on parlait de régionalisation, délocalisation, au bon sens du terme, puisque nous restions quand même en France, c'est là où l'opportunité d'installer le festival, dans un premier temps, en Arles, ce qui n'a pas pu se faire, nous sommes arrivés à Auch. Mais ça, c'est une autre affaire, et on en reparlera probablement après. Oui, non. Cela, je vais faire un monologue. Là, j'étais bien parti. C'est agréable quand on donne la parole à Lionel Sharpie, on sait qu'on a le temps. Oui, voilà, c'est comme un jour on m'a offert la présidence. J'y suis toujours. Qu'est-ce qui a changé en l'espace de un peu plus d'une vingtaine d'années dans le monde de l'animation française? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'abord, l'animation française, elle était très artisanal. Et puis tout d'un coup, le secteur audiovisuel s'est, emballé. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu une production de films d'animation via les séries pour les télévisions qui se sont qui s'est mise en place. Parallèlement à ça, il y a toujours eu beaucoup de courts-métrages qui se sont faits, et ça, on ne peut que s'en réjouir, bien évidemment. Mais le volume des films a commencé à monter. Donc maintenant, si on regarde le nombre de films qui a été proposé cette année pour le festival, c'est pratiquement 430, hein, il me semble. Plus de 500 films. Alors évidemment, il y avait aussi les films d'étudiants, parce que dans le même temps, il y a eu beaucoup d'écoles d'animation qui se sont ouvertes. Donc tout ça a contribué à une espèce d'élan et de très grand intérêt, et puis dont on ne peut que se réjouir. C'est vrai que l'animation, il y a 20 ou 30 ans, je parle surtout du regard des gens, c'est-à-dire que les gens, dans leur ensemble, se sont véritablement intéressés à l'animation, et c'est formidable. C'est vrai que c'est une espèce de vecteur qui permet de faire des choses, parce que l'animation est prise en considération. On va inviter à Mikan Bach à nous rejoindre, puisqu'elle est arrivée. Elle est derrière là, voilà. On ne vous cache rien. Maintenant, on peut la laisser. Voilà. Elle est là. Il y avait des applaudissements. On a mis des moufles pour applaudir Mikan. Voilà. La retardataire vous prie d'excuser son retard, mais je n'ai pas raté un seul mot de la rubrique d'Annabelle dans ma voiture. J'étais prise dans les embouteillages. C'est formidable. Je vous écoute. Alors là, on a compris que l'animation française a énormément évolué en l'espace d'une vingtaine d'années maintenant, considérablement. Mm-hmm. Et pour l'AFCA, qu'est-ce que en l'espace d'une vingtaine d'années? Ah, il s'en est passé des choses. C'est-à-dire que puisque moi je fais partie, je ne veux pas dire des meubles, mais de ceux qui ont rejoint l'AFCA. L'AFCA a été créée en 1971. J'ai dû la rencontrer pratiquement, même avant qu'elle ne se crée en réalité, puisque j'ai rencontré Raymond Maillet, celui qui l'a mise au monde, grâce à celui qui est devenu mon maître, qui était Paul Grimaud, et avec qui j'ai travaillé de nombreuses années. Et quand Raymond a créé l'AFCA en 71, je savais que les choses étaient en place, mais nous étions dans un contexte différent, c'est-à-dire que c'était pas le même rapport aux choses, c'était en gros des gens passionnés qui, c'était surtout pour nous des aînés, c'est-à-dire des personnes qui nous accueillaient, qui nous montraient, qui avaient à cœur de nous faire découvrir ce qu'était le patrimoine de l'animation, et c'était pas uniquement évidemment de l'animation française, c'était de l'animation internationale, d'où en même temps, si vous voulez, cette espèce de liaison naturelle, je dirais, entre l'AFCA et le Festival d'Annecy, puisque le Festival d'Annecy permettait tous les deux ans à des gens de se retrouver, et c'était, souvenez-vous, amis auditeurs, c'était une époque où le monde était divisé en deux, c'est-à-dire d'un côté il y avait les pays dits de l'Est, et de l'autre côté les pays où nous nous situions, et donc c'était l'opportunité pour des cinéastes qui venaient de l'autre côté du rideau de fer de pouvoir rencontrer absolument tout le monde, et ils nous amenaient des films qui étaient des films exceptionnels, et c'était donc l'occasion de pouvoir les voir, de témoigner. Et donc nous qui étions quand même avec 30 ans de moins, nous étions curieux et avides de voir des choses et de rencontrer des personnes. Donc l'AFCA, très vite, si vous voulez, elle est devenue une espèce de courroie de transmission, c'est-à-dire qu'il y avait des liens très privilégiés. Je dirais, il y avait vraiment une attitude très confraternelle. C'était le petit monde international de l'animation. Mais le but n'était pas de faire du business, absolument pas. Le but était de faire en sorte que des gens se rencontrent et, si possible, puissent établir des liens d'amitié. Et on n'envisageait même pas des coproductions à l'époque, puisque les choses étaient bien scindées. Mais voilà, c'était donc au niveau de une espèce de pensée assez altruiste que je trouvais très, très attachante. Et elle n'a plus une pensée altruiste, non ? Elle s'est considérablement effritée. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Mais bon, on pourrait en parler. Mais donc, voilà, l'AFCA donc, était plutôt un club de personnes. Nous n'étions très peu nombreux, mais il y avait du plaisir à se voir. Et puis, au même titre que Raymond avait créé l'AFCA, il avait créé aussi une animathèque dont je m'étonne toujours qu'elle ait plus de 30 ans d'âge maintenant et qui est toujours bien portante. Et cette animathèque, bon, vous avez compris, animathèque, cinémathèque, c'est un peu du même tonneau. C'est en gros, c'était là aussi montrer la cinématographie internationale dans ce qu'elle avait de plus exemplaire, de plus riche ou de plus iconoclaste. Voilà, donc l'AFCA au départ a été ça, et puis nous n'étions pas nombreux, et puis petit à petit, comment disait l'autre, là nous étions 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes combien 1000 en arrivant au port, ou 5000 en arrivant au port, disait le CID de Monsieur Corneille. Serge qui a vécu toute cette période aussi, hein. Oui, quelque chose à ajouter? Oui, avant, bien sûr. L'AFCA n'existait pas à ce moment-là. Ces dernières 20 dernières années, on va dire, depuis le début des années 80, qu'est-ce que... Une rue d'évolution. Ah oui, une rue d'évolution. Parce que moi, je piaffais d'impatience quand je voyais l'AFCA. Pour moi, c'était, excusez-moi le terme, n'est-ce pas, j'étais un peu violent peut-être en parole, en disant c'est une société de dormeurs, rien ne se passe. Alors j'allais chaque semaine chez Maillet lors de mon passage à Paris. Je venais 3 fois par semaine à Paris. On profitait avant de rentrer, passer à son bureau. Je disais, mais on ne pourrait pas faire ceci, on ne pourrait pas faire ça, etc. Et j'aimerais connaître... Enfin, j'avais des critiques à formuler, pas méchante, mais je voulais qu'il y ait un petit peu de dynamisme. Et je me suis dit, sacré bleu, si seulement j'habitais Paris, moi je leur montrerais ce que c'est le dynamisme. Comme ça, et puis je sais que j'aurais peut-être pas fait mieux. Mais voilà, mais alors après j'ai eu l'occasion de voir l'envers du décor, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout aussi simple que je le croyais. En parole, c'était facile, mais quand on regardait dans la caisse, lorsqu'il fallait faire venir des films ou des réalisateurs ou payer des choses, eh bien nous n'étions plus du tout tellement malins. Et puis on avait des moments où justement pour le Festival National, je me souviens, et toi aussi, qu'au mois de juin, nous n'étions pas sûrs d'obtenir des petites sommes. Oui. C'était tout de même des sommes, n'est-ce pas? Il ne fallait pas les négliger, elles étaient indispensables. Mais c'était des très petites sommes, même du CNC. On ne savait pas si on allait les recevoir pour faire le festival en automne. Et je vois Maillet qui disait, eh bien écoutez, moi je n'annonce pas le festival si nous ne recevons pas la somme. Eh bien, festival, le minimum, n'est-ce pas? Une ville comme Marly-le-Roi payait 500 francs à l'époque. Oui, mais enfin, oui, bon, ce n'est pas un critique. Non, ce que l'on peut dire, c'est que le gros problème qui était le nôtre, quand je vous parlais tout à l'heure de l'INGEP était, et je pense toujours d'ailleurs, sous l'égide du ministère Jeunesse et Sport, qui a, je suppose, depuis ces 10 dernières années, moi je suis resté au titre générique ministère Jeunesse et Sport. Après, ça a changé d'appellation, c'est revenu et tout ça. Mais c'était un lieu clos et c'était un lieu qui était géré par les deniers publics. Et la ville de Marly-le-Roi elle-même estimait qu'elle n'était pas sous sa juridiction. Donc il y avait une espèce de dichotomie et ils disaient, ah ben oui, mais si c'est l'État qui vous donne, c'est pas nous. Donc tout ça devenait très compliqué et le fait est que nous avons eu une subvention qui devait être de 500 francs à l'époque, qui nous a été remise 2 ou 3 fois, jusqu'au moment où elle ne nous a plus du tout été remise. Mais bon, voilà, donc ce qui ne pouvait... Oui, c'est vrai. Il ne faut pas le critiquer, c'est pas dans ce sens que non, je veux dire. Mais nous avons été de bons avocats pour faire valoir la situation et les problèmes qu'elle générait. Mais bon, je crois que aussi, il faut être honnête, l'animation n'intéressait pas tellement les personnes qui, non, à l'époque, s'occupaient à la mairie. Bon, et là, il faut tout simplement renvoyer ça par rapport au contexte de l'époque. Oui, maintenant, oui, je suis sûr que si on proposait un festival de cinéma d'animation avec de la 3D en plus, alors là tout d'un coup, on nous regarde avec des yeux énamourés comme on ne nous reconsidérait absolument pas. Maintenant, nous sommes top. Et avant, on était un peu ringard. On était quoi? Vous travaillez pour les gamins, c'est pas sérieux ce que vous faites. Puis vous êtes des dessineux. Puis de toute façon, c'est le 7e arbis. Je ne veux pas accaparer la conversation parce que le temps presse, mais comme je n'ai plus parlé depuis longtemps, c'est le moment. Je voulais juste dire que j'étais épaté de voir la qualité des personnes qui organisaient ce festival. Et quand je dis qualité, il y avait 6 personnes qui vraiment se donnaient à fond, peut-être 7, 8, enfin ceux qui faisaient partie du CA et autour un noyau, mais qui se démenaient, vous ne pouvez pas savoir, pour faire de ce festival comme si nous avions une équipe de 100 et de 150. Et c'est comme ça que ça a marché, c'était presque pionnier, on pouvait compter sur tout le monde. Quelqu'un prenait soin de faire telle chose et c'était fait. C'était pas à l'arrivée, c'était efficace. Et aujourd'hui c'est la même chose. Dans la caisse, ils étaient plein carton, ils sont 4-5, ils étaient prêts à tout faire. C'est toujours la même chose. Oui, c'est toujours ça, c'est acquis. C'est la même chose, ça s'est professionnalisé et c'est bien parce que ça prend des proportions. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est bénévole de faire le bureau, d'aller au ministère, de faire des choses. Il fallait quelqu'un. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a, on a progressé grâce à Michael Bach, qui avait le feu sacré à l'époque et qui voulait absolument percer, qui a fait des programmes. Et nous avons fait dans toutes les directions des avancées. Et elle pourra vous en parler elle-même, elle est plus qualifiée que moi, mais c'était remarquable, remarquable. Je te remercie, Serge, de dire ça, parce que c'est vrai que c'était... Ça, c'est l'évolution. C'était l'enthousiasme, et c'est vrai que c'était un festival qui devait être perfectible, et qui l'a été de toute façon, mais qui a eu le très grand mérite, tout simplement, d'exister, qui a été fait... Avec peu de moyens, c'est certain, mais le peu de moyens, c'était quand même déjà des gens qui ont cru en nous et qui nous ont sérieusement épaulés. Donc je les remercie. Bon, le ministère Jeunesse et Sport, quels que soient, j'allais dire, les gouvernants en place, a toujours été solidaire dans cette action. Et ça, pour nous, c'était formidable. Et puis, au-delà de ça, il y avait un public qui est venu. Et ce public, il n'a fait que grandir. Il nous a suivis. Donc tout ceci était hautement profitable à l'animation, même si en termes de chiffres, évidemment, ce n'étaient pas les chiffres que l'on peut peut-être maintenant revendiquer à Hoche en milliers d'entrées. Justement. Et c'était seulement sur deux jours. Oui, voilà. C'était proportionnel. C'est un petit festival d'amateurs, on peut dire, au début, pour des professionnels, fait le mieux possible. Et maintenant, c'est devenu un festival vrai, authentique, avec d'autres moyens. Enfin, ils ne sont jamais assez grands, mais c'est comme ça que ça a évolué. Donc, ça a grandi, et puis tout a évolué. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Après, Alexis, parce que je sens qu'Alexis va manger le micro. Non, parce que je vois qu'on est parti sur le festival. J'aimerais juste revenir, parce que j'ai la chance d'avoir trois têtes pensantes de l'AFCA. Donc, demander, Olivier, on a déjà parlé un petit peu, quels sont les rapports entre l'AFCA et la CIFA, le poule et l'œuf, la poule et l'œuf qui est née avant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant un moment donné? Enfin, un petit peu, tous ces rapports entre l'AFCA et la CIFA. Alors, je me sens interpellé. Je n'ai pas raconté l'épisode de séparation entre l'AFCA et la CIFA. Non, parce que Lionel est mieux placé, et puis Serge aussi. Mais bon, oui, enfin, nous pouvons laisser ces vieilles lunes. Disons qu'effectivement, il y a eu une brouille à un moment donné entre l'AFCA, enfin la CIFA France à l'époque, et la CIFA internationale. Donc il y a eu une coupure très longue. Mm-hmm. Et effectivement, c'est simplement ces dernières